Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le retour au pouvoir de Robert Bourassa en 1985. Nous constatons ce soir que le Parti libéral a été choisi dans une immense majorité, près d'une centaine de députés, 98, un qui nous manque en raison d'un incident qu'on pourra corriger dans quelques semaines. Le retour au pouvoir de Robert Bourassa, bien qu'il compte parmi les retours en politique les plus spectaculaires qu'on ait vus, est assombri par sa propre défaite dans le comté de Bertrand le soir du 2 décembre 1985. Alors que son parti remporte une écrasante majorité, ce sera finalement 99 sièges qui seront remportés par les libéraux ce soir-là, le chef est battu dans son propre comté. Robert Bourassa, évidemment, va vite réparer cette faute en se faisant élire dans Saint-Laurent lors d'une élection partielle le 20 janvier. 1986. Mes chers compatriotes, si j'ai décidé de revenir en politique avec toutes les contraintes que ça peut supposer, on connaît la situation des hommes politiques au Québec comme à l'extérieur. Si j'ai décidé de revenir en politique et de me battre comme je l'ai fait, c'est parce que j'ai une foi profonde dans l'avenir du Québec, dans la force du Québec. J'ai une foi profonde dans ma détermination de rétablir l'équilibre entre nos richesses et nos besoins. Le déséquilibre actuel me paraît inacceptable. Est-ce qu'on peut trouver une autre société en Occident qui possède, comme le Québec, autant de richesses, cet immense territoire, cette qualité de notre main-d'œuvre, ses richesses naturelles, et en même temps, cette société qui est obligée de supporter un taux d'endettement et de taxation particulièrement élevé. Robert Bourassa veut rétablir cet équilibre entre nos richesses et nos besoins, et nous allons le faire ensemble. À nouveau, Robert Bourassa, le soir de son retour au pouvoir, le 2 décembre 1985, pour nous raconter ce singulier épisode du retour aux affaires de l'État de Robert Bourassa. J'accueille Jean-Charles Paneton, historien, politologue, spécialiste de la politique québécoise au 20e siècle. Jean-Charles Paneton, bonjour. Bonjour, bonjour. Un mot d'abord sur cet homme qu'on vient d'entendre, le Bourassa nouveau, le Bourassa du retour au pouvoir en décembre 85. Qui est-il, cet homme-là? Bien, le Bourassa de 1985 est vraiment très différent de celui qu'on a connu en 70. D'abord, en 70, il a 37 ans. Quand il arrive au pouvoir en 85, il en a 52. Robert Bourassa, à ce moment-là, est beaucoup plus assumé. Il est plus virulent par rapport au Parti québécois. Son discours a changé, sa rhétorique aussi est plus guerrière, plus de combativité aussi. Et il est certainement libéré, en fait, de beaucoup d'influence. Et donc, c'est un Robert Bourassa qui est en pleine mesure de ses moyens. Homme plus libre, quand vous dites libéré d'influence par rapport au Bourassa, première mouture, qui était pris un petit peu dépendant de l'organisation qui était derrière lui. Le Bourassa de 85 ne doit rien à l'organisation libérale, à l'establishment libéral. Non, parce qu'à la course à la direction, il n'a pas l'appui de l'establishment comme tel. Et il n'a pas non plus une éminence grise qui va un peu chapeauter ses actions, le conseiller, tout ça, comme c'était le cas en 70 avec Paul Desrochers. Ouais. Revenons sur cette... C'est plus qu'une... Enfin, est-ce que c'est plus qu'une anecdote? Le fait qu'il y a une forte majorité libérale, 99 libéraux élus ce soir-là, du 2 décembre 85, il leur manque le comté du chef. Bourassa perd dans sa propre circonscription. Est-ce que c'est plus qu'anecdotique? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Bourassa voulait aller dans un comté où il y avait une proportion de francophones beaucoup plus grande que dans des comtés ou des forteresses plus sécures dans l'ouest de l'île de Montréal, par exemple. Il a choisi de gagner cette circonscription-là en prenant un risque calculé et il a perdu ce risque-là. Mais on se rappelle que ce n'est pas la première fois non plus. En 1976, il va perdre les élections, en fait, son comté aux mains de Gérald Godin. Même chose. Huh, incroyable. Même phénomène. Bon, pour comprendre ce que signifie ce retour-là, je disais c'est un retour en politique spectaculaire, celui de Robert Bourassa. Pour bien comprendre d'où il part, il faut revenir à la défaite de 76, rappeler dans quelles circonstances Robert Bourassa perd et rappeler quel état d'esprit règne au Québec par rapport à Robert Bourassa à ce moment-là. Robert Bourassa, en 76, va perdre parce que, bon, après 6 ans de pouvoir, il faut le rappeler rapidement, il perd sur des questions importantes. La société est divisée, le monde syndical est en guerre contre son gouvernement depuis longtemps. Il a emprisonné des chefs. Donc, pendant la crise d'octobre, exactement. Ensuite aussi, lors du Front commun, il a emprisonné les 3 chefs. Oui. Voilà. Donc, il a eu un 6 ans très difficile et il est très usé. On a des relents de corruption et tout aussi qui sont soulevés. Et puis, il y a la fameuse loi 22 qui passe tout simplement pas, autant du côté francophone qu'anglophone. Donc, il est battu par René Lévesque et son équipe. Et donc, il va quitter comme ça rapidement la direction du Parti libéral et puis il va entrer dans une période un peu d'exil comme tel. Mais il est, et on le considère pratiquement comme un pestiféré, voilà, à ce moment-là. Et ça prendra du temps avant qu'il puisse se réhabiliter, revenir et penser pouvoir en faire revenir. Ouais, c'est un homme qui est détesté, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, il y a un désamour certain Un au désamour, Québec. Tout à fait, absolument. Et Bourassa, c'est un peu à l'image de sa carrière et puis du personnage aussi. On le voit aussi dans les biographies. C'est un personnage que certains vont aimer, mais on est généralement plutôt indifférent face à Robert Bourassa comme tel, ou soit qu'on a des ouvrages un petit peu qui le qualifient de toutes sortes de noms. Ouais. On pense au Trichard, entre autres, pour en y reviendra. Trichard le Frageur, au cours de cette émission. Au moment où il décide qu'il tire sa révérence, dans ce climat-là, il n'est plus tellement bienvenu politiquement au Québec. Est-ce qu'il sait qu'il va revenir, déjà? En fait, c'est une déclaration. René Lévesque le dira au départ qu'il est convaincu que Robert Bourassa reviendra. Et Robert Bourassa dira une chose, il dira « Je ne sais faire qu'une chose dans ma vie, c'est la politique que je sais faire. » Donc oui, dès ce moment-là, on sent que Robert Bourassa n'en a pas fini avec sa carrière politique. Il reste qu'il part. Quand on regarde un peu les circonstances, c'est un exil. Il part, oui, absolument. Il part en Europe. En Europe. Il va enseigner aux États-Unis un peu, il va enseigner en Europe surtout. Comment ça va se passer, cet exil-là? Et quel genre de relation il aura avec le Québec, avec le milieu politique québécois? Et quand il est en exil en Europe, il a beaucoup de difficultés d'abord à trouver quelque chose à faire, disons. C'est difficile pour lui de choisir ce qu'il va faire, en fait. Et il est un peu mal pris comme tel. Et ce sont ses amis qui vont un peu l'aider, qui vont le mettre sur certaines pistes, comme Jean-Claude Rivet, pardon. Et puis il y a même Claude Morin, le ministre des Affaires intergouvernementales à Québec, qui va lui donner quelques contacts pour qu'il puisse avoir à tout le moins un réseau, discuter, changer des choses. Mais on sent qu'il est en plein désarroi. Il aura quelques collaborations dans des universités, mais c'est un Robert Bourassa qui n'a pas l'air de trop savoir quoi faire comme tel. Et qui enseigne essentiellement pendant ce séjour. En Europe, aux États-Unis, hein, tout à fait. En Europe et aux États-Unis. Il est tout seul en Europe. La famille ne suit pas. La famille va rester ici, au Québec. Il décide de revenir, de se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec en 83. Où en est à ce moment-là le Parti libéral du Québec, Jean-Charles Penneton? Et comment ça se présente? Comment se présentent les choses pour lui au moment où il entre dans cette course à la direction? Robert Bourassa, peut-être faire un petit retour rapide, va revenir au Québec en 78 et il va commencer à entretenir des relations avec plusieurs membres, plusieurs libéraux de la base. Il va reconstruire son réseau, en fin de compte, pour être prêt plus tard. Et donc, en 79, il va même demander à Claude Ryan s'il peut se présenter dans une circonscription, celle d'Outremont. Et évidemment, Ryan lui ferme la porte complètement. Et là, on va avoir besoin de lui, évidemment, pour la campagne référendaire. Il va se lancer, donc, dans des discours. Il va être sur la scène avec Jean Lesage. Donc, les anciens premiers ministres viennent prêter main forte à Claude Ryan pour le nom. Il va même faire des débats avec Pierre Bourgois à l'époque dans les cégeps. Et ça va avoir un grand succès parce que, bon, c'est les deux grands noms, disons, indépendantistes et fédéralistes s'opposent. Et donc, il revient. C'est à ce moment-là qu'il n'est plus le pestiféré que l'on avait connu. C'est à ce moment-là qu'il se rachète, qu'on le revoit et qu'il se reconstruit donc une certaine popularité. Ce qui l'amène à décider de faire le saut en 83. Il est donné favori. Vous nous disiez au début, l'establishment n'était pas avec lui. Comment ça se présente pour lui? Bien, au départ, il y a un seul concurrent de taille qui peut s'opposer à lui. C'est Raymond Garneau, son ancien ministre des Finances, qui s'était présenté contre Claude Ryan aussi. Mais donc, rapidement, il lui joue un petit entourloupette et donc il déclare publiquement que Garneau ne se présentera pas, ce que Garneau allait faire 2 jours plus tard. Bon, alors, une fois qu'il y a le champ libre à ce niveau-là, il n'y aura que 2 autres candidats, Pierre Paradis et Daniel Johnson-Fils, qui vont se présenter contre lui. Mais il a déjà une solide organisation. Ouais. Il a déjà construit depuis 78 son retour. Donc, il a un réseau bien établi, un réseau qui se fait en dehors de l'establishment, parce que le candidat de l'establishment, c'est Daniel Johnson, ce n'est pas Robert Bourassa. Qui était là par intérim, c'est lui qui avait succédé à Exactement. Joe Ryan. Ouais. Voilà. Donc, il remporte. Il remporte cette course à la direction et redevient chef du Parti libéral du Québec le 15 octobre 1983. Il m'en reste quelques secondes quelques secondes pour vous dire que je n'accepte pas, comme je vous le dis, cette distorsion entre nos richesses et la crise économique qui nous afflige. Il faut préparer également un nouvel ordre social. Et ça, c'est une condition importante pour l'avenir économique. En terminant, je veux simplement vous dire que pour nous, dans le Parti libéral ou sous ma direction, ce sera oui à un Québec canadien, non à l'aventure péquiste, oui au Parti libéral du Québec. Quelle vision aura Robert Bourassa du Québec quand il reprend les commandes du Parti libéral, Jean-Charles Panton, le 15 octobre 83? Quel Québec il veut bâtir? C'est quoi le programme, comme on dit? Bien, les questions tournent souvent autour du développement économique avec Robert Bourassa. C'est sa passion première, mais surtout la question des finances publiques. Il va avoir un discours qui va se construire autour de l'austérité comme tel, parce qu'on le sait, les déficits sont très, très importants au Québec depuis plus de 20 ans. Il en avait lui-même, à l'époque, dans sa première période, cumulé quelques-uns. Donc, c'est autour de ça. Malheureusement, pour lui, c'est le thème de la question constitutionnelle qui va prendre le devant, ouais. Même si lui ne se passionne pas tellement pour cette question-là. Il va être entraîné, et puis ça, on y revient dans un instant, par le nouveau premier ministre du pays, Brian Mulroney, dans cette ronde constitutionnelle qui va conduire à Meech. Mais un petit mot quand même sur cette... plus qu'une année et demie, là, presque deux ans, Bourassa devient chef du Parti libéral en octobre 83, mais se fera élire dans une partielle à l'Assemblée nationale qu'en juin 85. Pourquoi un si long délai? Bien, essentiellement parce que Robert Bourassa ne tient pas à jouer le rôle de l'opposition en chambre. Il préfère rester sur le terrain, il préfère construire son organisation qui s'est considérablement affaiblie, il faut le dire. Donc, il est très conscient qu'il ne gagnerait pas nécessairement à être en chambre trop rapidement. Ouais. Il préfère vraiment faire un travail de terrain important dans son parti. Ce qui est assez cynique, c'est que quand il se fait finalement élire, qu'il entre à l'Assemblée nationale, deux semaines plus tard ou à peu près, René Lévesque, lui, et ça c'est important, c'est un petit tremblement, René Lévesque décide de quitter la vie politique. Oui, effectivement, c'est en juin 1985, donc René Lévesque, au début du mois de juin, que René Lévesque va décider de quitter. Et donc, Robert Bourassa va devoir affronter un nouveau chef qui est pratiquement déjà en selle à ce moment-là, l'annonce de la démission de René Lévesque, et c'est Pierre-Marc Johnson. Pierre-Marc Johnson est à l'époque, il faut le rappeler, très jeune, très, très populaire auprès de la population. Il est un bon orateur, et donc, c'est face à ce chef du Parti québécois-là, que va se retrouver Robert Bourassa, qui, lui, on le sait, est un moins bon orateur. Ouais. Il reste que c'est lui qui va gagner, c'est Bourassa, et avec une écrasante majorité, on entendait au début de l'émission, très grosse majorité libérale le 2 décembre 85. Pourquoi? Sur quoi se joue cette campagne et qu'est-ce qui fait que les libéraux reviennent avec une telle force? Mais il n'y a pas tellement de... Les thèmes sont plutôt évasifs. En fait, c'est... ce que vont faire, en fait, les stratèges du Parti libéral, c'est essentiellement de faire porter la campagne sur l'équipe. Robert Bourassa réussit à constituer une équipe, somme toute, assez intéressante, qui est un certain mélange d'expérience et de nouveaux candidats vedettes, parmi lesquels, dans les candidats d'expérience, on retrouve Lise Bacon, Gérard Delévesque. Il va chercher des talents comme Gilles Rémillard, qui est un constitutionnaliste reconnu. On y retrouve aussi des gens d'affaires, Pierre McDonald et Paul Corbeil aussi. Et donc, toute cette équipe-là, c'est autour de cette équipe-là qu'on fait campagne, et c'est ça qui va rapporter. Alors que dans le camp péquiste, on fait exactement le contraire. Mm-hmm. On ne fait porter la campagne que sur Pierre-Marc Johnson. Il faut dire aussi une chose, le Parti québécois s'est vidé de près de la moitié de ses membres. L'organisation est considérablement affaiblie avec toutes les dissensions que le parti a vécues dans les derniers mois avant l'élection. Et donc, Johnson a une machine qui est moins bien huilée que celle de Bourassa, qui, elle, compte 260 000 membres et encaisse près de 5 millions de dollars. Donc, c'est considérable. Puis au Parti québécois, c'est vrai que la fin de l'ère Lévesque, le René Random, enfin, ça a été très, très difficile. Donc, il y a un parti qui est fragilisé. On revient donc à cette élection de 85, grosse majorité libérale. Et très vite, on l'évoquait il y a quelques minutes, mais très vite, Robert Bourassa va être happé dans ce dossier constitutionnel. Brian Mulroney, qui veut que le Québec réintègre la Constitution, c'est le début de ces négociations qui vont déboucher sur l'accord du Lac-Meech. Bourassa n'a pas tellement envie de ça au début. Non, comme on le mentionnait, Bourassa n'est pas du tout intéressé par la question constitutionnelle. Alors, il va se présenter, il va quand même répondre à l'invitation de Brian Mulroney pour cette conférence constitutionnelle-là qui a lieu en 1986. Et essentiellement, il va poser cinq conditions minimales qui doivent être respectées pour que, selon lui, le Québec réintègre la Constitution de 1982. Voilà. Et ça va donner assez rapidement entre premiers ministres provinciaux, l'entente va être assez rapide. Au printemps 87, tout ce beau monde signe ce qui sera l'accord du Lac-Meech, sauf qu'il y a 3 ans pour que cet accord-là soit ratifié par toutes les législatures, tous les parlements provinciaux au Canada, et on connaît la suite. L'accord du Lac-Meech va mourir en juin 90. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe entre le printemps 87 et le mois de juin 90? Mais encore une fois, c'est la question linguistique qui va poser problème, un problème considérable à Robert Bourassa. C'est qu'il va invoquer, en fait, suite à un jugement de la Cour suprême sur l'affichage, il va invoquer la clause non-obstant de la Constitution pour soustraire la charte de la langue française, donc à la charte des droits et libertés comme telle. Et la réaction au Canada anglais est fulgurante. On n'accepte pas ça, c'est une insulte, et voilà. Et donc, plusieurs premiers ministres anglophones vont se dissocier donc dès lors du processus entourant ce fameux accord du Lac-Meech. Mm-hmm. Et ça va faire dérailler carrément l'entente qui avait été établie autour de ça. Parce qu'on dit, au fond, la logique, elle est simple. On ne donne pas plus de pouvoir à un Québec qui, déjà, avec les pouvoirs qu'il a, fait ça aux bons anglophones du Québec. Là, c'est ça la logique du Canada anglais, si on fait court. Exactement, tout à fait. Donc, échec. En juin 90, c'est la mort en bonne et due forme de l'accord du Lac-Meech. Et Robert Bourassa, donc, qui a été réélu, il faut le dire, entre-temps, en septembre 89, Robert Bourassa aura, donc, à la mort du Lac-Meech, cette désormais célèbre déclaration. Jusqu'à 1985, on disait « What does Quebec want? » Nous avons exprimé clairement les demandes du Québec. Donc, depuis 1985, la question est « What does Canada want? » Et on attend encore la réponse du Canada à cet égard. Monsieur le Président, le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci. Où en est Robert Bourassa sur la question nationale, Jean-Charles Paneton, au moment où il prononce ces paroles devenues célèbres? Comment interpréter avec le recul cette déclaration du 22 juin 90? Mais à ce moment-là, Robert Bourassa entame une stratégie, si on peut dire, il va en fait évoquer plusieurs possibilités de référendum, de souveraineté, etc. Il joue en fait le jeu de l'équivoque. C'est comme ça qu'on l'a qualifié dans l'histoire. Et donc, les déclarations vont succéder, des déclarations souvent considérées audacieuses. C'est ce qu'on appelle en fait la stratégie du couperet sur la gorge comme telle. Sa stratégie, semble-t-il, c'était en fait en disant, voilà, on peut aller jusqu'à l'indépendance, c'était de faire pression sur le reste du Canada pour que soit signé un accord comme tel qui ressemblerait peut-être à celui de Meech. C'est un peu sa stratégie. Pour d'autres, bon, en fait, quand certains ont fouillé les archives et tout, comme M. Lisée, Jean-François Lisée, c'était une stratégie qui ne tenait sur rien. Robert Bourassa ne tenait pas du tout à conclure aucun accord. Il ne faisait que gagner du temps. Oui, parce qu'il voyait l'opinion publique à ce moment-là est très, très favorable à un scénario de souveraineté, partenariat, association, appelons ça comme on veut. Donc, Bourassa ne veut pas ça. Ça, c'est la théorie de Lisée. Donc, tempère. Comme il le fait si souvent sur d'autres questions. Voilà. Tout à fait. Il sera, et là, ce sera plutôt audacieux, il tempérera aussi. Ce même été de 1990, l'été où l'accord du Lac-Meech est officiellement déclaré mort, ce sera aussi cet été-là, l'été de la crise d'Oka. Comment juger la façon dont il va gérer cette crise alors qu'il est déjà, à ce moment-là, malade, atteint d'un cancer de la peau. J'ai assumé mes responsabilités comme chef du gouvernement en faisant appel à l'armée, à la disponibilité de l'armée canadienne. Je veux dire, ce qui était encore plus difficile, c'est qu'en même temps, je devais gérer l'une des crises les plus difficiles de l'histoire du Québec. Je ne pouvais pas répondre aux demandes de mes médecins qui souhaitaient une opération assez rapide pour limiter les dégâts. Comment vouliez-vous, comme chef du gouvernement et responsable de l'armée, devoir quitter, que ce soit dans un hôpital de Montréal ou d'ailleurs, alors qu'il y avait des événements très, très risqués qui étaient sur le point qui arrivaient au Québec. Il pouvait avoir un bain de sang n'importe quand. Extrait d'un reportage de Gilles Morin qui présentait ce reportage le 2 octobre 1996 au moment de la mort de Robert Bourassa. Que dire, Jean-Charles Panton, de la manière dont Robert Bourassa va gérer cette épineuse crise d'Oka à l'été 90? Essentiellement, Robert Bourassa ne veut certainement pas brusquer les choses. Il tient à laisser aller les choses et répondre parfois un peu mollement, diraient certains. Au sein du cabinet, il y a des discussions, il y a des échanges, il y a des mouvances, il y a les adeptes plutôt de la loi et de l'ordre qui voudraient une réponse plus ferme, plus dure face aux Mohawks. Et donc, il va quand même décider de tempérer les choses et je pense que c'est ce qui a permis, enfin, la crise de ne pas s'accentuer, de ne pas... parce qu'il faut le rappeler au départ, il y a décès d'un policier, ouais. Donc c'est une crise assez importante. Et donc, il décide de faire appel à l'armée. Ça nous rappelle un petit peu la crise d'octobre aussi, ouais. Où il avait fait la même chose. Ça aurait pu finir en bain de sang. Un historien nous a dit dans une autre émission sur le Canada en crise que Bourassa avait sauvé les meubles, je paraphrase. Absolument, mais, absolument. Il a permis de désamorcer la crise, ouais. En prenant le temps de bien répondre à ces différents événements. On l'entendait dans cet extrait nous dire, à ce moment-là, je suis malade. Mes médecins veulent, oui. Que je me fasse traiter. Quel poids ça va avoir, la maladie de Robert Bourassa, sur sa gouvernance jusqu'à son départ? Mais je pense qu'il est très malade, en fait, et il est parfois découragé. Je pense que John Parisella l'a dit déjà en entrevue, qui était son chef de cabinet. Il est parfois très las, il est parfois très désintéressé aussi, notamment la question constitutionnelle qui n'est toujours pas réglée, qui pèse très lourd. Et donc, il parle même, il évoque lui-même, face à son chef de cabinet, la possibilité, ouais. De démissionner. L'affaire Wilhelmy Tremblay en 92, c'est un peu ça que ça nous dit. Ces deux conseillers de Bourassa qui vont... Il y aura des fuites dans les médias, mais qui vont dire essentiellement essentiellement, il ne nous défend plus à cette table constitutionnelle qui mènera à Charlottetown. Un mot sur son héritage. Il quitte donc la vie politique en janvier 94. Il meurt le 2 octobre 96. Quel héritage laisse-t-il au Québec? Mais Robert Bourassa a voulu réintégrer le Québec dans la Constitution, a certainement voulu aussi, il a toujours défendu la société distincte, le Québec comme société distincte. Il a défendu la langue française, on l'a vu avec la loi 178. Il a certainement, c'est le père en fait aussi des grandes questions comme les barrages hydroélectriques à la baie James et tout. C'est quelqu'un qui a laissé beaucoup et on a parfois l'impression qu'on l'oublie un peu parce que, bon, soit qu'on en fait de la géographie ou soit qu'on le dépeint de façon très négative, comme l'a fait Jean-François Lisée. Mais on dirait qu'il n'y a pas de véritable analyse de l'ensemble de son œuvre, qui, à mon avis, est beaucoup plus importante qu'on peut le penser encore, mm-hmm. aujourd'hui. Ça mérite... On revient à la personnalité, au fond, pas très éclatante. Au fond, la question que vous posez, c'est est-ce que le bilan est plus éclatant que ce qu'on retient de l'homme? C'est cette analyse-là qui reste peut-être à être faite. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Jean-Charles Panton, politologue et historien, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.